souviens-moi n'est adoré. Le petit bouquet que la donne à moi, il y a longtemps que l'île est fanée. Vie souviens comme ça les loin. Vie souviens-moi n'est adoré. Le petit bouquet que la donne à moi, il y a longtemps que l'île est fanée. Vie souviens comme ça les loin. Fleur fanée, t'es fleur aimée, tiens-moi toujours, cours c'est l'amour, t'es fleur fanée, t'es fleur aimée, tiens-moi toujours, cours c'est l'amour. Il faisait frais, dans l'herbe lavait la rosée, dans le ciel les oiseaux y chantaient. Il marchait dans la forêt, il faisait bon, il faisait frais, dans l'herbe lavait la rosée, dans le ciel les oiseaux y chantaient. Dix fleurs fanées. Comme ça, il doit finir. Depuis ça, le temps a passé. Il reste plus qu'un doux souvenir. Quand m'y pense, mon cœur l'est brisé. Tout ici-bas, comme ça, il doit finir. Dix fleurs fanées.